mano firme y armada ante el rostro de la fiera, Guajira, Guantanamera, caimanera siempre erguida, dispuesta a entregar la vida por la causa que defiende, te aplaude quien te comprende, Guantanamera querida. Thank you. tous autant que vous êtes, et toutes autant que vous êtes. Vous écoutez Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Et vous n'en avez rien à foutre de rien, car vous avez bien mangé. Vous avez bien mangé votre merde. Votre merde en caoutchouc. Le plastique, c'est pour les nazes. C'est la merde. Et franchement, on en a rien à foutre. Mais les choses clairement. C'est important qu'on entende les choses clairement. Les choses sont claires, tellement éclairées que je vois de la lumière dans les choses. Je crois que j'ai un problème de latence. Excusez-moi, je vais quitter la scène pour en faire le décor. Le décor. Le décor.

Non, en fait, excusez-moi, c'est juste que j'avais un truc à dire, j'aimerais bien qu'on passe plus de temps à parler de merde à la télévision ou à la radio que de se branler sur des huîtres molles le soir de Noël sataniste. Putain, merde quoi, je veux dire, c'est pas comme si on avait déjà tout fait quoi, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent maintenant. Tout a changé grâce au fric. Je veux dire, c'est Ouais, pas grâce comme au fric, si tu on sais, avait le fric. déjà tout. C'est bon, le fric. C'est pas comme si on avait Ouais, déjà tu vois ce tout. que je veux Je dire? Le veux fric, dire, c'est du c'est pas bon, comme ça. si on avait Le fric. déjà tout. Je veux Ouais, dire, le c'est pas fric. comme si on Ouais, le avait fric, c'est déjà bon, tout. ouais. Je veux Ce que dire, je veux, c'est du blé, c'est pas ouais. comme Y si a on moyen avait d'avoir du blé, s'il te plaît. tout. Je veux Vas-y, dire, file-moi en plein c'est du pas comme blé, je si veux du on blé, avait du fric, vas-y, s'il te déjà plaît, ouais. tout. Je Plein de fric. veux dire, c'est pas comme Plein de si fric, s'il te on avait plaît. déjà S'il te tout. plaît, quoi. Je veux dire, Non, mais vas-y, c'est pas t'sais. comme si on avait Vas-y, t'sais. déjà tout. Le Je veux fric. dire, C'est c'est bon, pas le comme fric. si on avait déjà Non, c'est tout. pas Je comme veux si on avait, dire, t'sais, ouais. c'est pas comme si on avait Ouais, déjà je tout. Je veux comprends, dire, Mike. Le c'est pas fric, comme c'est bon, si on ouais, avait c'est du bon, le fric. Je veux Ouais, le dire, pouvoir et le fric c'est et pas comme l'argent si on et avait du beurre aussi, plein de beurre et du déjà blé, ouais. tout. Je veux Ah dire, ouais, c'est pas c'est comme bon, si on ça. avait déjà tout. Ouais. Je veux dire, Ouais. c'est pas comme Ah ouais, si on bordel de avait merde. déjà tout. Quoi, Je veux dire, botch, quoi? c'est pas Le comme fric. si on avait Le fric, déjà c'est tout. Je veux bon. dire, On veut c'est du pas comme fric, si on avait on veut déjà tout. plein de blé sur Voilà. terre et C'est pas ailleurs, comme partout si on on le avait jette et on le déjà tout. Je crame veux et dire, on se torche c'est pas avec. comme si J'en ai on rien à avait déjà tout. foutre. Je veux On fait des dire, trucs de c'est pas malades avec du blé, on fait des trucs de malades avec du riz, on sait pas quoi faire d'autre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, merde? Ouais, c'est clair. C'est vrai, je veux dire, c'est vrai, je veux dire, c'est vrai, je veux dire, c'est vrai, je veux dire, c'est vrai, je veux dire, c'est vrai, je veux dire, C'est vrai, je veux dire. C'est vrai, je veux dire. C'est vrai, je veux dire. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je veux dire. C'est vrai, je veux dire. C'est vrai, je veux dire. C'est vrai, je veux dire. C'est vrai, je veux dire. nos auditoires tangentiellement un peu obscons, quoi. J'ai compris, donc c'est Canal Sud 92.2 FM, la radio que vous écoutez tous et toutes, et l'émission C'est Nuisance. Oui, donc nous sommes le vendredi, comme d'habitude, entre 21h et 23h, voilà, donc sur le 92.2 FM, vous pouvez écouter la radio Nuisance, Canal Sud, et l'émission donc entre 21h et 23h le vendredi en général, quoique la semaine dernière malheureusement on a raté l'événement à cause des amis qui ont annulé donc la préparation. C'est important qu'on se prépare avant et ils ont pas voulu, donc moi je suis pas d'accord, donc je voudrais le dire, c'est important pour moi. C'est vrai, je veux dire. vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas moyen de s'exprimer, il y a trop de bordel. Donc si vous voulez bien vous calmer, ce serait vraiment sympa parce que c'est chiant quoi, en fait. Voilà, donc on voudrait dire aussi que c'est un peu chiant le truc là qui se passe. Vous avez visiblement des problèmes techniques, il faut absolument que vous appreniez à vous servir du matériel. Donc je peux vous expliquer si vous voulez. Alors, première chose à savoir, c'est qu'il faut allumer du point de vue de l'arrivée d'un système électrique en fait, pour que le système se mette en branle, vous voyez. Donc ce serait vraiment bien si quelqu'un se mettait à, ben, à allumer la lumière par exemple, bande de naze. Thank you. pour le reste, je vous emmerde comme vous m'avez emmerdé. Point. Justement, c'est le rien. Donc, merde. Oui. l'Afrique. Vite. Il le faut. Ramène. L'amène. Du fric. Maintenant. Le fric. C'est bon. C'est bon. Comme la merde qui traîne sur le bout du cul qui pue la merde. C'est vos nuisances.